résonne comme un tonnerre. Chaque regard éclaire la terre. La nuit s'ouvre sous mes doigts. Chaque secret se livre à moi. Jamais ne s'enfuit.